franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire cachée de la bombe H française. Un secret d'État qui nous plonge dans la France gaulliste des années 60, en pleine guerre froide. Alors que le monde est divisé en deux blocs antagonistes, les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, détenir l'arme nucléaire est une priorité pour le président de Gaulle. Car au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, posséder cette arme, c'est faire partie des vainqueurs. Avec elle, le général défend l'idée de la grandeur nationale et de l'indépendance de la France face à ses alliés d'hier. Avec la bombe H, il le sait, son pays retrouvera son statut de grande puissance. Pourtant, la France va mettre des années à maîtriser l'atome militaire. 15 ans de recherche scientifique pour concevoir la bombe atomique, 8 années supplémentaires pour fabriquer la bombe à hydrogène, la bombe H, une arme d'une puissance infinie, clé de voûte de la dissuasion nucléaire mondiale. Et l'histoire française de sa conception est une aventure teintée de mystère. Car c'est pendant près de 30 ans, on nous a servi un roman national glorieux et policé. En réalité, il n'en est rien. Révélation après révélation, l'histoire officielle a laissé place à l'histoire officieuse. Ici, se croisent et se confondent savants et apprentis sorciers, ambassadeurs et espions, diplomatie et marchandage nucléaire, avec un scénario final, vous le verrez, vraiment très étonnant. Après le récit, pour en parler, levez peut-être, le voile des derniers secrets, nous entretiendrons avec l'historien André Benjebar, en duplex d'Agen, dans les studios de 47FM. En 2000, André Benjebar avait publié un livre intitulé « Une histoire secrète de la bombe atomique française » aux éditions du Cherche Midi. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Lucille Valéry, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Un immense champignon atomique s'élève maintenant dans le ciel par-dessus les baraques. Le champignon se développe maintenant. Il s'élargit au sommet, la base se tourne légèrement vers l'est. Toujours tout mauve, et sauf le sommet blanchâtre, comme une neige qui viendrait de tomber. Eh bien, il a fallu ce temps-là à l'onde de choc pour parvenir ici. Oh la vache! Samedi 13 février 1960, quelques minutes avant le lever du soleil, à 7h04, la première bombe atomique française explose. Sous le ciel étoilé du désert algérien, un gigantesque champignon s'élève, lumineux et brûlant, un nuage de fumée, de sable et de poussière radioactive. À 60 km de là, au centre d'essai nucléaire de Reagan, au sud du Sahara algérien, alors département français, les quelques soldats, techniciens et ingénieurs présents retiennent leur souffle. L'opération Gerboise Bleue, premier essai nucléaire français, sera-t-elle couronnée de succès? Bientôt, le champignon atomique commence à rougir, et c'est alors que tous comprennent. Applaudissements, embrassades et cris de joie, l'essai est réussi. La France devient ainsi la quatrième puissance atomique aux côtés des États-Unis, de l'Union soviétique et de la Grande-Bretagne. À Paris, le général de Gaulle, rappelé au pouvoir 2 ans plus tôt, en 1958, en pleine crise algérienne, exulte et s'exclame « Hourra pour la France !» C'est que cette bombe atomique, il l'attend et l'appelle de ses voeux depuis maintenant 15 ans. Au lendemain des bombardements atomiques américains sur le Japon, à Hiroshima le 6 août 45 et à Nagasaki 3 jours plus tard, le général de Gaulle s'était dit ému jusqu'au fond de l'âme, terrifié aussi quant à l'avenir de l'humanité. La bombe atomique, arme absolue, bouleverse l'idée même de la guerre. Fini les corps de bataille et les immenses armées, le général comprend que nous venons de changer d'air. L'atome devient en deux fulgurances mortelles, synonyme d'apocalypse. Alors si la France veut jouer arme égale sur le grand échiquier des nations, mais aussi garantir son indépendance nationale, elle doit avoir sa propre bombe. C'est dans ce but précis que dès le 18 octobre 1945, moins de trois mois après les bombardements japonais, le général de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire, ordonne la création du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Oui, alternatives, ironie de l'histoire et de la sémantique. 15 années de recherche nucléaire plus tard, c'est donc chose faite. Ce 13 février 1960, la Gerboise bleue fait entrer la France dans la cour des grands. Bien, mais ce n'est pas encore assez pour le général de Gaulle. Il sait que la bombe atomique n'est qu'une étape et qu'en réalité, elle est déjà obsolète. Dès les années 50, États-Unis, Union soviétique et Grande-Bretagne, en effet, ont mis au point une bombe encore plus puissante, si puissante en réalité, qu'il est impossible de s'en servir. Parce que trop de force tue la force, cette nouvelle arme absolue est à même de maintenir durablement l'équilibre des terreurs et donc la paix. La France doit absolument revenir dans la course si elle veut être sur un pied d'égalité avec ses alliés d'hier et garantir sa sécurité. Voilà toute la doctrine du général de Gaulle, voilà sa politique dite de dissuasion nucléaire. Il s'en explique lors d'une conférence de presse le 23 juillet 1964. Nous sommes en mesure de penser que d'ici à 6 ans, la puissance de dissuasion totale de la France dépassera celle de 2000 bombes Hiroshima. C'est ce que certains opposants, évidemment irréfléchis, appellent la bombette de la France. Et pour ce qui concerne la défense directe d'un pays, la proportion des moyens n'a pas de valeur absolue, puisque un homme et un peuple ne peuvent mourir qu'une seule fois. La dissuasion existe dès lors qu'on a de quoi blesser à mort son agresseur, qu'on y est bien résolu et qu'il en est bien convaincu. Cette bombe si terrifiante, on l'appelle bombe à hydrogène, bombe à fusion, bombe thermonucléaire ou plus couramment bombe H. Inventée par les Américains, encore eux, elle est testée pour la première fois le 1er novembre 1952 sur l'atoll d'Eniwetok, territoire rayé de la carte en moins de quelques secondes. Oui, dans cette course tous azimuts à l'armement nucléaire, les savants en bons apprentis sorciers tâtonnent, essaient, expérimentent. Et tant pis pour les conséquences à court et à long terme. Du Nevada à la Sibérie, ils organisent des sortes de happenings techniques ou scientifiques où se mêlent l'effroi et l'émerveillement pour ces prodiges inconnus de la science. De l'autre côté du rideau de fer, on n'est pas en reste. En 1955, 3 ans après la première bombe H américaine, c'est donc au tour de l'Union soviétique d'avoir la sienne. La Grande-Bretagne, elle, riposte 2 ans plus tard, en 1957, avec ses essais réunis et réussis sur les îles Christmas. Mais quelle est la différence, maintenant, entre la bombe A et la bombe H? Explication de François Géret, chercheur et directeur scientifique de l'Institut français d'analyse stratégique. Alors d'abord, les bombes qu'on appelle de fission, c'est-à-dire les bombes A, utilisent deux qualités de matière. D'une part, il y a ce qu'on appelle l'uranium hautement enrichi, et d'autre part, il y a le plutonium. Et les deux bombes ont été utilisées, la première sur Hiroshima et la deuxième sur Nagasaki. Elles sont de qualité différente. Elles dégagent des quantités d'énergie qui sont... Pour ce qui a été utilisé en août 1945, de l'ordre de 17 et 20 kilotonnes respectivement, c'est-à-dire 20 000 tonnes de TNT. Lorsque on touche au thermonucléaire, on atteint effectivement des énergies qui sont incommensurablement plus élevées, puisque on entre dans le domaine des mégatonnes. Ce qui est remarquable avec les bombes thermonucléaires, c'est que il n'y a pas de limite réelle, en vérité. Pas de trêve, donc, pour le CEA, le Commissariat aux énergies atomiques. Si ces scientifiques sont parvenus en 1960, après 15 ans d'efforts considérables, à créer la bombe A, il faut maintenant se remettre au travail et percer le mystère de la bombe à hydrogène, la H. Une entreprise laborieuse, entourée de mystères. 6 ans plus tard, donc en 1966, la France est toujours à la traîne. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à concevoir cette bombe H. C'est alors qu'un nouvel acteur entre en jeu, la Chine de Mao Tse-tung. Si cela fait plus de 10 ans qu'États-Unis et Union soviétique ont leurs bombes thermonucléaires, 8 ans pour la Grande-Bretagne, la Chine n'est pas loin d'y parvenir. 2 ans seulement après avoir conçu sa première bombe A. Mais nous en venons maintenant à la bombe chinoise. Bien qu'attendu, cette troisième explosion nucléaire chinoise a provoqué un certain nombre de réactions dans le monde. D'une manière générale, on est surpris de la progression technologique extrêmement rapide des Chinois. Et d'autre part, on note dans le communiqué chinois cette accusation de collusion entre les États-Unis et l'Union soviétique. Voilà pour l'aspect général. D'autres questions continuent de se poser, en particulier sur la nature de cette troisième bombe chinoise. Fernand Lott et Jacques Carion se sont entretenus tout à l'heure avec un spécialiste français des questions d'armement nucléaire. À première vue, et d'après les renseignements très fragmentaires que nous possédons sur la récente expérience chinoise, il semble que cette expérience se situe dans la catégorie de la fission améliorée. Simplement, je peux vous donner mon impression, qui est que nos collègues chinois ont travaillé de manière méthodique et de manière normale pour progresser dans la voie des systèmes explosifs nucléaires. Et ils semblent actuellement, tout le laisse penser, se diriger vers l'arme thermonucléaire qu'ils atteindront certainement un jour ou l'autre. Bon, ça suffit maintenant. C'en est trop pour le général. Enfin, la France ne peut pas être rattrapée par la Chine, considérée alors comme un pays sous-développé. De Gaulle piaf, il faut accélérer les processus, il faut arriver au thermonucléaire, et vite. Alors, au mois de juin 1966, il décide de se rendre lui-même sur place, à Limeil, dans le Val-de-Marne, au centre de recherche du commissariat aux énergies atomiques. De plus en plus exaspéré, furieux, il tape du poing sur la table. Malheureusement pour lui, le progrès scientifique, ça ne se décrète pas. Et pourquoi les chercheurs français ne parviennent toujours pas à trouver la recette de la bombe H? Comment expliquer ce retard? 2 sons de cloche se font entendre. Pour le pouvoir politique, c'est la faute des ingénieurs et de leur incompétence. D'ailleurs, pour Alain Perfitte, alors ministre de la Recherche et des Questions Atomiques et Spatiales, la recherche scientifique, précisément, est l'archétype du mal français. Trop parisianiste, trop cloisonné, trop bureaucratisé. Selon le ministre, les chercheurs sont devenus des fonctionnaires qui se justifient par leur propre existence. Je cherche donc je suis. À l'inverse, ces mêmes chercheurs pensent que le retard incombe avant tout aux divergences politiques. Car si la bombe H est une obsession du général, elle n'est pas partagée par tous, loin de là. Pour la haute hiérarchie militaire, il y a d'autres priorités, en tout cas plus urgentes. Et puis c'est trop long, trop cher, et ils ont peur que ces recherches fassent au détriment des armes classiques. Bref, chacun défend son pré carré sans que cela ne fasse avancer grand-chose. Il y a un autre obstacle à la conception de la bombe H française, plus important encore. Au début des années 60, le monde des savants et des élites intellectuelles se détourne en masse du gaullisme nucléaire. Pour des raisons essentiellement idéologiques, cette recherche n'attire plus la nouvelle génération de scientifiques. Dans la lignée de Frédéric Joliot-Curie et de son appel de Stockholm en 1950, ils s'interrogent sur leurs responsabilités et dénoncent la guerre atomique dont ils ne veulent pas être les complices, finalement. Pour le pouvoir, il devient presque aussi difficile de disposer de matière grise que de matière fissile. En 1966, face à l'impatience et au mémorable coup de gueule du général, c'est Alain Perfitte qui prend les choses en main. Le ministre procède à une véritable réorganisation de la DAM, la Direction des Applications Militaires, du CEA. Certains sont limogés, d'autres sont nommés, comme il en témoigne lui-même dans son livre « Le mal français », sorti en 1976. Entre-temps, on voyait déjà s'engager le cercle vicieux du renoncement. Auprès des hautes instances, on se mit à dire de plus en plus qu'il fallait impérativement abandonner le programme thermonucléaire et se contenter de fabriquer les armes atomiques précédemment décidées. Les équipes du commissariat se décourageaient devant cette pression et les obstacles devenaient de plus en plus infranchissables encore. Il était urgent de briser ce cercle. Je demandai à mes conseillers scientifiques d'essayer de dénicher l'homme de synthèse qui nous manquait. L'un d'eux m'annonça un matin « J'ai peut-être ce qu'il vous faut ». Un jeune physicien qui a commencé sur le tard et a parcouru les étapes à une vitesse fulgurante. L'homme providentiel s'appelle Robert Dautray. Fils d'immigrés russes, orphelin après la guerre, c'est un ingénieur brillant sorti major de l'école polytechnique et, pour reprendre l'expression d'Alain Perfitte, c'est un cerveau exceptionnellement doué. Le 1er avril 1967, lorsque le ministre l'appelle à la rescousse, il a 39 ans et devient, dès lors, le nouveau directeur scientifique de la Direction des Applications Militaires, du CEA. L'homme n'a qu'une seule mission, percer le mystère de la bombe H. Un travail d'une difficulté inouïe et sous une intense pression. Car le général veut sa bombe pour 1968 et non pas pour 1970, comme les savants le prévoient. D'ailleurs, cette bombe H sera sa dernière grande œuvre politique. Pour les ingénieurs français, la difficulté est avant tout théorique. Parce que s'ils connaissent le principe général de la bombe H, il leur manque un principe élémentaire. Ils savent en effet, depuis longtemps d'ailleurs, que pour créer cet explosif nucléaire à hydrogène, dit de fusion, il leur faut mettre une bombe A classique dans un engin contenant deux éléments combustibles, le lithium et le deutérium. Après avoir fait exploser la bombe, il faut laisser s'opérer la fusion de ces deux atomes, principe qui dégage la puissance mégatonique voulue. Voilà pour le principe général. Reste à savoir comment fonctionne l'engin, quelle est sa forme et où le mettre. Rien de moins que de trouver la formule magique qui permettra la conception et la fabrication de la bombe H française. Pour trouver cette formule, les ingénieurs français vont devoir se débrouiller tout seuls. Car si l'affaire de la bombe H est une affaire scientifique, elle est aussi une affaire diplomatique. Et la France est relativement isolée. La politique d'indépendance nationale prônée par le général de Gaulle, tout comme sa volonté de s'émanciper de la tutelle américaine, ne sont pas vraiment du goût de Washington, évidemment. Et la France va payer scientifiquement les conséquences de sa solitude diplomatique. Alors que les États-Unis et l'URSS, maîtres des deux blocs antagonistes qui dominent la planète, aident leurs alliés à bâtir la bombe, la France, elle, est seule. C'est donc seule qu'elle devra trouver la bombe H, comme le réaffirme le général de Gaulle dans cette conférence de presse. La France, dis-je, dans ces conditions, dès qu'elle a pu être elle-même, a jugé nécessaire d'entamer l'effort voulu pour devenir à son tour une puissance atomique. Oh, il est bien vrai qu'à cet égard, elle s'est trouvée très en retard, à cause en particulier de l'occupation, à cause aussi des atermoiements de son redressement politique, financier, économique. Et puis, par comparaison avec la Russie et l'Amérique, qui en leur temps ont utilisé le concours d'un certain nombre de savants et de techniciens européens, par comparaison aussi avec la Grande-Bretagne, qui a pu profiter des expériences américaines, la France, elle, en est réduite aux capacités françaises. D'un point de vue diplomatique, le général a pourtant une carte à jouer, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. En effet, dès le début des années 60, le Royaume-Uni est très intéressé par les perspectives commerciales qu'offre un marché commun européen. Les Britanniques posent donc leur candidature pour la première fois en 1963, mais se heurtent au veto du général de Gaulle. Le président français se méfie de son voisin, qu'il considère comme un cheval de Troie des Américains. Pour lui, accepter les Britanniques dans le marché commun, c'est faire entrer le loup américain dans la bergerie européenne. Alors, les Anglais font la cour au général en lui proposant un marchandage nucléaire. Tiens donc. La proposition est formulée au cours de la visite de Pierre Messmer, alors ministre des Armées à Londres, le 18 juillet 1963. Le ministre de la Défense britannique, lui, propose une coopération nucléaire en échange de la levée des objections françaises pour l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Mais le général refuse. Et il fera de même en 1967, lorsque Harold Wilson, premier ministre britannique, réitérera sa proposition de deal. Mais non. Le général est décidément sceptique. Et n'oublions pas son idée fixe, construire une défense nationale indépendante et donc ne rien devoir à personne. Alors, en novembre 67, lorsque la Grande-Bretagne réitère sa candidature pour le marché commun, encore une fois, la France oppose son veto une deuxième fois. La recherche scientifique française, elle, rame encore et toujours pour trouver les clés de la fusion nucléaire. Pourtant, et seulement 8 mois plus tard, en plein mois d'août 1968, la France largue sa première bombe H. Alors, est-ce enfin la réussite de nos scientifiques? Ou bien la France a-t-elle reçu un coup de pouce inattendu? Et si oui, de qui? Non, abbé. be waza man man nerie tad love laza non a be dans si pa toi i ven ren ke liane an impulso se na Non abe, non abe waza, man man nerie, tad love laza, e surya kanzu jau de zau, pi un zi, fai jau se anau, i ren ren ke liani nat pandina, squan giga giga be Non avevo asa Man man ne rie Tad love laps out Non avevo Dor si pawe tua I ren ren che le ane Ane buzo se na C'est suspendu à ce pacifique ballon captif gonflé à l'hydrogène qu'a explosé au-dessus du lagon de l'atoll de Fangatofa Canopus, la première bombe H expérimentale française. Scénario désormais classique, observé depuis le croiseur de Grasse à 70 km du lieu de l'explosion. Une immense lueur dégageant autant d'énergie que 2 millions de tonnes de TNT et puis l'énorme champignon qui est, selon les techniciens, parfaitement inoffensif. Cet essai a donné les résultats qu'en espéraient les atomistes français. Il doit aboutir dans les années à venir à une bombe opérationnelle. Après cette réussite, le général de Gaulle a déclaré « C'est un magnifique succès pour l'indépendance et la sécurité de la France. » Samedi 24 août 1968, à 19h30, heure française, la première bombe à hydrogène française explose au-dessus du lagon de Fangataufa à Mururoa, centre d'expérimentation français du Pacifique. L'opération Canopus est donc un succès, et qu'on peut s'en douter, c'est un immense soulagement pour le général de Gaulle. Après 8 ans d'efforts scientifiques et financiers considérables, l'équivalent aujourd'hui de 6 milliards d'euros, la France est passée de la bombe A à la bombe H. Elle entre ainsi dans le club très fermé des puissances thermonucléaires. Après la Chine, certes, qui l'obtient un an plus tôt, mais avant la retraite politique du général de Gaulle en 1969. Donc, promesse tenue. Pendant près de 30 ans, l'histoire de cette réussite française est contée par le pouvoir politique. Une histoire officielle écrite par Alain Perfitte en 1976 dans son « Mal français ». Il explique que tout s'est dénoué en 1967 grâce à un homme qu'il a lui-même mis en place, sa perle rare, le fameux Robert Dautray. Quelques mois après son arrivée, c'est vrai, les scientifiques trouvent enfin la solution et mettent un terme à 8 ans de recherches infructueuses et une vingtaine d'essais ratés dans le Pacifique. La situation se dénoue vite. L'intelligence vierge de Dautray examina méthodiquement toutes les études effectuées à la direction des applications militaires pour chercher la formule de la fusion thermonucléaire et les autres phénomènes possibles. Une combinaison de phénomènes physiques, dans la panoplie de ceux qui pouvaient être envisagés, lui parut la bonne. Un examen approfondi le lui confirma. En quelques semaines, la synthèse était élaborée. Il n'avait pas été besoin d'ordinateurs géants. Ni l'uranium enrichi, ni donc Pierre Latte n'auraient été indispensables. En août 1968, De Gaulle eut une de ses dernières joies quand explosèrent nos deux premiers engins H. C'est beau, mais c'est faux. Car le conte de fées est en réalité un roman d'espionnage et de contorsions diplomatiques en coulisses. Et dans cette histoire-là, Robert Dautré n'est pas le héros principal. Il faudra attendre l'année 1993 pour que les controverses sur la naissance de la bombe H française soient portées à la connaissance du grand public par un certain Pierre Billot, grand ingénieur français et victime collatérale du ménage entrepris par Alain Perfitte au sein du CEA. En avril 1966, il est renvoyé de son poste de directeur du centre de Libeil, mais il garde des amitiés fortes au sein de ce centre et suit avec attention les avancées théoriques de ses camarades. Tenu au secret, il se tait durant de longues années, jusqu'à ce mois de septembre 1993, donc 25 ans après l'explosion de la bombe H française. C'est un article du Figaro non signé, daté du 5 octobre 1993, qui met le feu aux poudres. Intitulé « Robert Dautré, nouveau haut-commissaire à l'énergie atomique », l'article relate la nomination du brillant ingénieur. Portrait soigné, élogieux pour celui qui est présenté comme le père de la bombe H, l'équivalent français d'un Teller ou d'un Sakharov. Pierre Billot n'y tient plus, il sait que tout cela est faux et demande un droit de réponse au journal, avant de publier, un an plus tard, un petit livre au titre évocateur « La véridique histoire de la bombe H française ». Alors quelle est-elle, cette véridique histoire ? Revenons en 1967, 10 mois avant le succès de l'opération Canopus. Le 5 septembre, Jean Viard, directeur de la recherche du CEA de Limeil, réunit ses principaux chercheurs atomiques à Valduc, en Bourgogne. Il cherche à gagner du temps face à la pression d'enfer, comme est le général de Gaulle. Viard demande alors à ses scientifiques de mettre au point une campagne d'essais nucléaires dans le Pacifique pour l'année 68. Mais les intervenants sont sceptiques, ils pensent qu'on n'atteindra pas les objectifs avant 1969. Pendant ce temps, Robert Dautré reste en retrait, prend des notes discrètement sur un bout de table. Lui qui a un talent certain pour synthétiser les questions les plus compliquées est chargé d'une mission un peu particulière. Dautré est mis dans la confidence quelques jours avant cette réunion. Jean Viard, le directeur de la recherche du CEA, lui présente un espion français, André Toulouse, un général. Ce gentleman, au visage fin et au verbe châtié, est attaché de l'air à l'ambassade de France au Royaume-Uni. Depuis quelque temps, il a noué une relation amicale avec un savant britannique, Sir William Cooke. Les deux hommes travaillent ensemble, chargés d'affiner les grands projets aéronautiques que Paris et Londres sont en train de lancer, comme Airbus. Mais à vrai dire, le domaine de prédilection de Cooke, c'est le nucléaire. Il a dirigé pendant plusieurs années la recherche atomique anglaise et joue un rôle important dans le développement de cette arme dans son pays. Lors d'une réception diplomatique, il vient voir Toulouse, sourire en coin, et il lui dit « Alors votre bombache, c'est pour quand ?» Très étrange conversation de salon, qui s'achève sur cette confidence de William Cooke. « Vous savez, les Français font fausse route, » dit-il. « Il faut chercher quelque chose de plus simple, oui, de beaucoup plus simple. » Parole sibylline, mais qui intrigue l'espion Toulouse, forcément. Il fait donc son devoir et s'adresse au commissariat aux énergies atomiques. Dans ses mémoires, éditées en 2007, Robert Dautré revient sur cet épisode. Lorsque le général eut fini d'exposer sa proposition, Jean Viard me dit « Tu as émis des doutes sur ce que nous faisons avec les TAS et tu m'as soumis quelques idées physiques. Pourquoi ne les exposerais-tu pas au général Toulouse ? Il pourrait ainsi soumettre ces phénomènes de physique à sa source anglaise. Cela accélérera tes recherches. » J'avais tant travaillé durant les derniers mois que j'avais parfaitement en tête les phénomènes de physique nécessaires pour la résolution des questions thermonucléaires. Je les formulais immédiatement les unes à la suite des autres devant le général. Elles sortirent de moi comme l'eau jaillit d'une fontaine tant j'avais mûri mes lectures, médité les phénomènes et examiné les difficultés. Quand j'eus achevé d'énoncer mes phénomènes, le général Toulouse me répondit qu'il n'avait évidemment pas compris un traître mot et qu'il n'avait donc rien retenu. Écrivez-moi donc ces phrases et je les communiquerai à William Cook. Et cette prise de contact va s'avérer prometteuse, car Sir William Cook coopère à merveille. Et trois semaines plus tard, le mercredi 27 septembre 1967, André Toulouse revient en France, papier sous le bras. La source anglaise a répondu à la liste des 8 questions formulées par Robert Dautray. Et, surprise, lorsque la direction du CEA dépouille ce questionnaire ultra secret, elle se rend compte que Cook valide point par point une idée vieille d'un an déjà, oui, celle de Michel Carriol, jeune ingénieur de 33 ans à l'allure d'éternel étudiant. Dès le début de l'année 67, il avait imaginé une nouvelle architecture pour la bombe H. Mais son idée de compression radioactive était apparue saugrenue, exotique même. Et la direction avait remisé la note Carriol au placard. Mais grâce aux précieuses informations de ce mystérieux Cook, la voilà estampillée secret défense, tiens donc. Et c'est d'ailleurs toute cette histoire qu'il faudra désormais garder sous silence, comme l'explique Pierre Billot dans son article intitulé « Comment la France a fait sa bombe H », publié dans la revue La Recherche en décembre 1996. Deux jours plus tard, Jacques Robert, directeur de la DAM, convoqua tous les scientifiques concernés et nous dit que les informations reçues montraient la validité de l'idée de Carriol. Consigne fut alors donnée de se taire absolument sur le fait que l'on avait été tuyauté par l'étranger. Une liste des présents fut dressée. Elle fut ensuite régulièrement actualisée, au sens où chacun recevait une nouvelle liste, lui indiquant combien de personnes étaient au courant. Il me semble qu'on a été jusqu'à un peu plus de 20. Je pense que l'information a dû remonter jusqu'à De Gaulle. La liste était une simple feuille à en-tête du CEA, portant le titre « Liste des 20 » ou des 22, selon le nombre de personnes initiées, puis les noms de celles-ci. À partir de là, tout va très vite. Les deux premiers engins thermonucléaires, appelés VLB1 et VM1, sont fabriqués en un temps record. Et le 24 août 1968, l'opération Canopus s'achève avec brio et achève la rocambolesque aventure du thermonucléaire français. Voilà. Mais deux questions restent en suspens. Pourquoi Sir William Cook a-t-il décidé d'aider la France à construire sa bombe H? Et le général, a-t-il été mis au courant du rôle joué par ce savant britannique? Je veux parler du général de Gaulle, bien sûr. En réalité, ces deux questions se recoupent et gardent leur mystère. Concernant les motivations de Sir William Cook, certains mettent en avant sa francophilie à toute épreuve, d'autres sa sympathie envers la résistance française et pour l'homme du 18 juin. Des explications qui semblent un peu faibles quand on pense tout de même qu'il a trahi sciemment les secrets nucléaires de son pays. On repense alors au marchandage proposé à plusieurs reprises par le gouvernement britannique au général de Gaulle, la bombe H, contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Si William Cook avait été mandaté par son gouvernement pour livrer discrètement les secrets nucléaires à la France, au nez, à la barbe de l'allié américain, et si ce n'est pas le cas, qu'a-t-il reçu en échange? Ces questions restent en suspens et ne laissent aucune trace, évidemment, dans les documents officiels. Au bout du compte, en 1972, 3 ans après le départ du général, la Grande-Bretagne entrera dans le marché commun. 30 ans, il aura fallu attendre 30 ans pour que les scientifiques sortent de leur silence et révèlent cette histoire d'espionnage sur fond de guerre froide. Et si la bombe H n'a qu'une mère, si j'ose dire, le général de Gaulle, sa paternité en revanche est multiple. Michel Carriol, Robert Dautray ou Sir William Cook, eh bien c'est selon une paternité disputée, car l'enjeu est de taille. Jusqu'à aujourd'hui, la bombe thermonucléaire est l'arme la plus puissante jamais inventée par l'homme. Une arme de destruction massive qui est aussi une arme de paix. Car depuis Hiroshima et Nagasaki, elle ne fut jamais utilisée. Elle est toujours restée force de dissuasion, pourvu que ça dure. L'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs. qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur, sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes, nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants. Maman ne travaille plus sans ses excitants. Quelqu'un leur vend de quoi tenir le coup. Je suis un électron bombardé de protons. Le rythme de la ville, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la bombe H avec notre invité André Benjebar. Bonjour. Bonjour Monsieur Drouel. Vous êtes en duplex d'Agen, accueilli dans les studios de 47FM. Vous êtes historien, vous préparez actuellement une expo à l'École Nationale d'Administration Pénitentiaire d'Agen sur les peintres du bagne. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais je voulais quand même le signaler. En revanche, en 2000, vous avez publié, et là nous sommes au cœur de notre sujet, un livre intitulé « Au cherche-midi, histoire secrète de la bombe atomique française ». Alors cette histoire, peu connue du grand public, est revenue sur le devant de la scène cet été grâce à un article du Nouvel Obs intitulé L'espion qui a livré la bombe H à la France. Cet article s'appuie notamment sur des archives officielles récemment déclassifiées, mais aussi sur des documents personnels d'André Toulouse, l'espion français qui a aidé nos scientifiques. Alors vous n'avez pas attendu le Nouvel Obs, et pour cause, parce que vous avez écrit un livre en 2000. Comment avez-vous découvert cette histoire ? Eh bien écoutez, d'abord effectivement, vous savez que les journalistes aiment à dire qu'ils font des scoops alors que souvent les affaires sont réchauffées. En vérité, vous avez dit et évoqué, d'ailleurs j'ai entendu avec émotion le nom de Pierre Billot. J'ai travaillé pendant des journées entières avec Pierre et je l'admirais et j'ai travaillé pendant des heures et des heures et des jours sans fin. D'autre part, j'ai travaillé aussi avec Henri Piatier qui est pas mentionné dans l'émission et rarement mentionné, qui était l'ancien directeur adjoint de l'École Polytechnique et qui était l'ami intime de Sir William Cooke, au point que Sir William Cooke et M. Piatier échangeaient leurs enfants et plus que cela. Autrement dit, mon travail a reposé sur des sources absolument inédites à l'époque, puisque j'ai fait toute ma recherche à partir des fonds des archives de Washington, qui étaient déclassés alors qu'en France, bien qu'accrédité secret défense, j'avais beaucoup de mal à trouver les informations, mais par les États-Unis et surtout par les acteurs eux-mêmes. lui-même. J'ai découvert cette réalité, et notamment Pierre Billot, de grande mémoire, que je respecte infiniment, ce gosset de la prétendue, je dirais, vérité donnée par M. Perfit. Donc, il y avait pour moi une enquête, je dirais presque sociologique, une enquête véritablement de terrain, à la manière pratiquement d'un anthropologue, et une enquête d'historien travaillant sur des archives. Et donc, je savais, depuis très très longtemps, qu'il y avait en quelque sorte une légende autour de la bombache. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a une légende. On a voulu me faire dire que cette légende, c'était une façon de, en quelque sorte, de dénaturer la l'incapacité française de l'administration. Et en vérité, vous avez très bien dit dans votre émission et dans votre propos, cher monsieur Drouel, à quel point il y a une complexité de la bombache. La bombache, c'est pas une affaire d'armes, c'est une affaire de diplomatie, c'est une affaire de morale, c'est une affaire de politique, c'est une affaire de calendrier, c'est une affaire de passé, c'est une affaire d'avenir. Et tous ces éléments qui sont en quelque sorte liés les uns entre eux nous obligent à penser la bombache comme un système. Et c'est pourquoi j'avais écrit dans ma thèse qui fait plus de 2 kilos et que j'avais soutenue à Sciences Po à Paris, eh bien dire qu'il n'y aurait jamais de père de la bombache. En vérité, c'est une fausse recherche de paternité. Et vous l'avez très bien suggéré parce que si vous prenez le côté, au fond, politique, c'est sûr que c'est De Gaulle qui en est le père. Pourquoi De Gaulle se veut une bombe à lui? On l'a toujours présenté comme une espèce, si vous voulez, d'hurluberlu, je dirais, de quelqu'un qui était en quelque sorte une espèce d'homme passionné par la grandeur. Mais au fond, quand vous prenez l'expérience politique de Gaulle, ce qui me frappe, moi, dans tout ce que j'ai fait pendant tant d'années de recherche, c'est qu'il a toujours été surpris par, en quelque sorte, l'abandon au dernier moment des États-Unis vis-à-vis des intérêts de la France. Pour vous dire des choses que tout le monde sait, lorsque les Américains ont débarqué à Alger... Simplement, André Benjebar, comme le temps passe très vite, vous savez, que j'ai beaucoup de questions à vous poser. Peut-être qu'il faudrait aller à la conclusion de ce propos-là, et puis on va rebondir sur d'autres choses. Hein? Alors, le propos-là, c'est qu'en vérité, les Caraïoles, que j'ai jamais réussi à interroger, j'ai approché sa famille... Il n'a jamais voulu me recevoir. Et donc, je n'ai jamais pu savoir d'une manière certaine, par lui, par sa bouche, et par ses écrits, son témoignage. Mais nous savons tous ceux qui ont travaillé sérieusement et avec les archives, et non pas, je dirais, de seconde main, eh bien, nous savons tous que c'est Michel Carriol qui a eu cette intuition pour la fission de la... Il avait trouvé la solution, et on lui dit non, c'est pas ça. En gros, c'est ça. Voilà. Mais en même temps, via Ravalduc, vous l'avez évoqué, ça se passe en septembre, en Côte d'Or, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il dit aux 20 qui sont là, serrions les questions. Déterminons les choses, parce que jusqu'à présent, toute la problématique des ingénieurs, c'était engin. Et donc, il dit, non, c'est pas une question engin, c'est une question d'abord théorique. Et quand on a très bien montré que la bombe A est une question d'ingénieur, la bombe H est une question de théorie. Et vous verrez que tous ceux qui ont pensé la bombe H dans l'histoire des sciences, c'est Sakharov, prix Nobel, c'est Teller, prix Nobel, et qu'aucun des fabricants de la bombe H, autrement dit, ou des concepteurs de la bombe H, ne sont des prix Nobel. Et vous avez très bien répété une chose très importante, cher monsieur Drouel, que les élites intellectuelles se sont détournés de l'affaire des affaires militaires dans les années 60. Nous savons tous que, par exemple, je me souviens d'avoir vu les demandes que faisait l'armée en ingénieurs polytechniciens. Ils ont demandé, par exemple, 70 par an. Quand il y avait 6-7 gars de polytechnique au maximum qui voulaient rejoindre les affaires militaires, c'était déjà un beau succès. Ils n'avaient personne, en quelque sorte, comme savant. Bon, alors, puisqu'on parle des personnages de cette histoire, les rôles d'André Toulouse et de Sir William Cooke ont-ils été décisifs, totalement décisifs, dans l'acquisition de la bombe H, ou est-ce que leur rôle est à nuancer? Alors, le rôle, écoutez, on ne peut pas fabriquer une bombe H simplement si quelqu'un vous dit que c'est la solution. Je crois qu'il faut véritablement penser la chose suivante. Le général Toulouse, d'ailleurs, qui est mort d'une manière suspecte par un accident d'hélicoptère, a été certainement celui qui a posé les questions à Sir William Cooke. Mais Sir William Cooke, je me souviens très bien d'Henri Piatier qui m'a raconté qu'on lui avait donné pour instruction, fais-le boire autant que nécessaire. On savait que Monsieur Cooke était un très grand physicien, mais qu'il a agi d'une manière, en faisant le faux espion, le faux naïf, il a transmis aux Français, mais en faisant semblant qu'il était un peu sous, mais parce que c'était très important de ne pas donner une version officielle et diplomatique à cette affaire. Bien, il fallait donc faire une mise en scène. C'est ça, donc j'ai bien compris. Mais alors, derrière cette mise en scène, de précaution en fait, faut pas insulter l'avenir, quelles étaient les motivations réelles de Sir William Cooke? Parce qu'on imagine tous qu'il était aux ordres de son gouvernement, puisqu'on en revient au fameux deal marché commun contre bombes. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. En 63, on a les comptes rendus au Quai d'Orsay. Sandcroft, qui est le ministère de la Défense anglais, dit à Mesmer, il lui dit carrément, d'ailleurs Pierre Mesmer me l'a dit, si vous voulez, on vous donne les secrets. Dès 63. Et Macmillan, si vous saviez ce qu'on a au Quai d'Orsay, c'est pathétique. Il faut voir que l'Angleterre, dans les années 60, est tombée au 14e rang des nations industrielles. Son déficit commercial est structurel. Sa productivité est au minimum d'un tiers inférieure à celle des Allemands. Donc les Anglais sont dans une situation absolument de voir le déclin complet de leur nation, de voir la France coopérer dans un dynamisme avec les Allemands et avec les quatre autres pays du marché commun. Et donc il y a ici une inquiétude. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer? Et De Gaulle dit, vous n'avez rien à nous donner. Vous ne donnez rien. On ne veut pas vous et vous ne pouvez rien. Et comme il a une version de Gaulle à l'époque, je dirais, géopolitique en l'ancienne, il dit à Adenauer, vous savez, les Anglais, c'est quoi? C'est simplement une protection de l'Atlantique Nord, des îles avancées. Nous n'en voulons pas. Et par conséquent, pendant très longtemps, les Anglais vont en quelque sorte d'une manière presque pitoyable. Je vous assure qu'il y a des lettres de Macmillan à De Gaulle qui sont presque attendrissantes de faiblesse en disant ne faites pas ça, vous allez nous affaiblir. Donc je dis et je maintiens que, au fond, les Anglais ont mandaté Cooke en disant à Cooke, tu réponds à toutes les questions qu'ils te posent. Tu leur montres toutes les solutions techniques et si ils font fausse route, tu dis non, c'est pas ça, c'est cela. Et au fond, il nous a simplement guidés. Quant à Toulouse, on m'a donné une autre information que je n'ai pas pu contrôler. Il paraît que sur les bases allemandes, ou de la République fédérale de l'Allemagne à l'époque, il y avait des avions américains avec des ogives thermonucléaires. Et certains ont en quelque sorte observé, sans le dire, ou les Américains ont laissé faire peut-être aussi, la structure. Autrement dit, on a eu une information véritablement d'ogives nucléaires sur place par l'Allemagne, et on a eu une information scientifique par Sir William Cooke. Sir William Cooke, c'est un sœur. C'est-à-dire que les Anglais le considèrent avec tout l'honneur. Et quand il est décédé, ne croyez pas qu'on l'ait pris pour un espion, mais pour un bon serviteur de sa gracieuse majesté. Alors, est-ce que les Américains ont su ce qui se tramait? Est-ce qu'on sait s'ils ont su? Alors, les Américains ont su, en tout cas simplement, John Fitzgerald Kennedy, lui, il a toujours considéré que la bombe française était, c'est son mot, inamicale, c'est-à-dire qu'en langage diplomatique, ça veut dire en clair qu'ils sont farouchement opposés. Ils ont tout fait, en quelque sorte, pour nous donner la bombe et sous contrôle. Et De Gaulle a dit non, je veux pas de vous... Il a dit à Eisenhower. Il lui a dit plusieurs fois à Eisenhower, je ne veux pas de vos cadeaux. C'est un peu comme le cheval de Troie. On savait que si on rentrait dans une espèce d'organisation commune avec les Américains, eh bien l'emploi, la décision d'emploi, se ferait non pas sous notre conduite, mais sous la conduite des Américains. Et dernière chose, qui apparaît inconcevable désormais, mais quand il dit au général Ahiré, quand dit De Gaulle, tous azimuts, même l'état-major français ne comprend pas, tous azimuts. C'est-à-dire que De Gaulle a pensé que l'avenir ne serait pas une guerre forcément, je dirais, du côté de l'Est, mais qu'elle pourrait venir de l'Ouest. Et que par conséquent, les dangers du monde étaient en quelque sorte multipolaires. Il n'a jamais considéré, lui, dans cette conception politique, que le danger pouvait venir uniquement, de l'au-delà du mur de Berlin. Alors, puisqu'on parle du général de Gaulle, quand a-t-il été mis au courant de cette affaire, de cette tractation? Est-ce qu'il était à la source, dès le début? Alors, de Gaulle a fortement été à la source par Mesmer. Parce que Mesmer et De Gaulle étaient dans une relation de confiance exceptionnelle. Vous savez, le seul ministre de la Ve République qui n'a jamais été, entre guillemets, limogé, c'est Mesmer. Mesmer, c'est l'homme de confiance absolue du général De Gaulle. Et quand Mesmer, par le biais des états-majors, par le biais des services diplomatiques français et les services des attachés militaires, a eu cette proposition dont on a le compte rendu, je vous dis, dès 1963. Donc Mesmer mandat de Toulouse. Il est impossible qu'un attaché militaire travaille, je dirais, à Londres avec les Anglais sans que de Gaulle l'ait su. Mais cependant, nous sommes dans le domaine du secret, parce que peu d'historiens rappellent que la plupart des modifications de décrets de constitution de notre chère République, notre 5e République, ont été faits sans qu'ils aient été publiés. C'est-à-dire, de Gaulle s'est attribué non seulement, je dirais, des prérogatives d'ordre militaire, il a même changé en quelque sorte même les dispositions de la constitution de 58 relatives à la défense, mais il a même mis des dispositions de décrets qui n'ont jamais été publiées, aux grandes dames d'ailleurs du Parlement. Autrement dit, de Gaulle est au courant. Il est au courant, peut-être pas de tous les détails, mais il sait absolument tout, au point qu'il va sur place et qu'il les engueule en leur disant « Mais qu'est-ce que vous avez pour trouver la solution ?» On l'a raconté, ça, effectivement. Oui. André Benjebar, nous parlons d'un temps qui nous semble bien loin et on va écouter ensemble une archive. Alors qu'aujourd'hui s'exprime un mea culpa sur les conséquences de ces dizaines d'essais dans le Sahara algérien et dans le Pacifique, et c'est bien normal, les années 60 et 70 sont peu propices à ce genre d'état d'âme, comme le confirme, vous allez l'entendre, les propos du reporter Jean-Claude Turgeman pour l'émission Force française de demain. C'était sur France Inter en octobre 1966. Cela dit, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Force française de demain Jean-Claude Turgeman, l'un des reporters d'Interactualité. Jean-Claude Turgeman revient de Tahiti. Que pensent les Tahitiens de ces expériences ? Ont-ils peur ou au contraire, sont-ils indifférents en bons Polynésiens qu'ils sont ? Eh bien écoutez, on a beau parler de la douceur de vivre qu'il y a dans ces îles, on ne peut vraiment en prendre conscience qu'en s'y rendant, je crois. Car là-bas, on ne s'en fait pour rien. Et c'est encore peu que de le dire, il faut le voir. On lit à peine les journaux, on réagit à peine aux grands événements internationaux, tout prend une autre dimension. La seule chose à laquelle on tient vraiment, c'est la vie tranquille. Ce qui fait que les expériences se déroulent à Mururoa, c'est-à-dire à 1200 km de Papeete, et cela ne dérange absolument personne. La preuve, ils en ont même fait une chanson. Alors je me suis fait traduire les paroles de cette chanson, cela veut dire à peu près « Tous nos hommes, tous nos tannés, comme on dit là-bas, sont partis à Mururoa pour travailler. Bien sûr, la maison est un peu vide, mais ils nous rapportent de l'argent et nous avons maintenant le confort à la maison. » C'est quand même assez saisissant le propos naturellement néocolonial de ce journaliste. Bon, c'est normal, vous avez vu, là-bas, ça ne les gêne pas du tout. Ben voyons, c'est saisissant ça quand même, hein. Les temps ont changé. Les temps ont changé, mais en même temps, tous ceux que j'ai interrogés quand j'ai écrit ma thèse me racontaient qu'après une explosion, ils se baignaient tous. Et que par conséquent, ils étaient dans une insouciance totale. Mais évidemment, on leur avait rien dit, on leur avait pas dit que c'était dangereux. Mais y compris les ministres, cher monsieur Drouel, y compris les ministres. Ah. Ils allaient tous à l'eau. Et donc, pendant très longtemps, quand j'étais au ministère de la Défense, j'avais posé la question s'il y avait des plaintes, je dirais, avérées. Et à l'époque, on disait non, tout ce qui avait été en quelque sorte instruit ne donnait pas de suite, je dirais, d'indemnisation. Et il est clair également, parce que je sais que nous avons l'habitude de nous flageller, mais quand je vois, et j'ai compté dans ma thèse le nombre d'essais nucléaires et d'hydrogène et je dirais de bombes A dans le monde, je ne voudrais pas que l'on fasse de la France simplement le vilain petit canard non, de la terre. Bien sûr. Non, bien sûr, voilà. Mais puisqu'on parle d'une affaire française, voilà, on se donne le droit aussi, le droit d'autocritique, n'est pas la flagellation, l'autocritique. Hein. Oui, effectivement, les autres ont fait la même chose. Bon, alors, quand même une dernière question. Parmi les mystères, je note donc qu'en 68, le deal est consommé, il arrive à son terme, ça y est, la France a sa bombe H, et je vois que la Grande-Bretagne, Nantes, dans le marché commun qu'en 1972. Alors je sais que on dit pas au marché commun ou à l'Europe d'aujourd'hui, on frappe pas à la porte en disant bonjour, je veux rentrer. On vous dit pas allez-y, installez-vous. Il faut du temps. Mais est-ce qu'il faut tant de temps ? Est-ce que ça veut dire que le général de Gaulle n'aurait pas tenu ses engagements vis-à-vis de la Grande-Bretagne ? Alors je pense que de Gaulle aurait pris, comment dirais-je, j'allais chercher un verbe un peu rare, il aurait décalé probablement l'entrée. Sur soir, c'est ça le verbe que vous cherchiez. Dans le marché commun. Ouais. Je pense que c'est Georges Pompidou qui l'a fait. Il avait une conception différente et le monde avait peut-être changé. Et les années 70, ce sont déjà plus les mêmes. Et l'angoisse de Gaulle, vous savez qu'il avait dit à Francis Perrin, vous savez, le haut commissaire du CEA, vous savez, monsieur Perrin, je ne verrai pas la guerre atomique, mais vous la verrez. Il était persuadé que nous allions vers un monde, vitrifié. Et Pompidou n'était pas dans cette angoisse, et donc les circonstances ont fait qu'on a laissé, ou il a laissé l'Angleterre entrer, ou le Royaume-Uni entrer dans le marché commun. Le marché commun. Merci infiniment, André Benjebar. Merci infiniment pour toutes ces précisions autour de cette affaire vraiment saisissante, mystérieuse, et que j'imagine beaucoup d'auditeurs ont découvert aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci, monsieur Drouet. Au revoir. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, la bombe H, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, puisque nous serons vendredi, et elle sera consacrée au peintre américain Jean-Michel Basquiat.